Leçon 3B. Des baguettes pour maman. Julien ? Julien ! C'est pour toi. C'est Julie. Salut Julien ! On fait un tour dans le quartier ? D'accord, maman ? Oui, oui. Alors, apporte une baguette. Non, deux baguettes. Julie et Julien sont dans la rue Daguerre. Ils sont devant les stands. Julien écoute les commerçants et les commerçantes. Julie regarde les vêtements. Elle cherche un jean. Deux copines de Julie arrivent. Elles bavardent avec Julie et Julien. Puis, Julien entre dans une boulangerie. Julien quitte la boulangerie. Il cherche Julie. Une fille arrive sur un skateboard. C'est Nathalie, l'amie de Julie. Julien, attention ! Et boum ! C'est le choc. Mince alors ! Les baguettes ! Deux et deux font quatre ! Devant un immeuble, Ahmed et Luc, deux copains de Julie, jouent au foot. Ils habitent 16 rue Daguerre. Julien, Julie et Nathalie entrent dans la cour. Ils regardent les garçons. Le ballon arrive devant Nathalie. Elle tape dans le ballon. Hé, tu es super! Julien, on rentre? Oui, oui, j'arrive. Alors, elles arrivent les baguettes? Oui, elles arrivent. Et regarde maman. Une, deux, trois, quatre baguettes pour le prix de deux.